Chapitre 6e. Un miracle est une interversion surnaturelle des lois de la nature. Les évangiles en mettent 33 à l'actif de Jésus. Nous ne les discuterons pas, parce que c'est à ceux qui les affirment de les prouver ce qu'ils n'ont pas fait. À quoi servir un miracle sinon à persuader? Or, ceux qu'on attribue à Jésus n'ont convaincu ni les hommes de son temps, comme nous l'allons voir, ni ceux d'une autre. Ils étaient donc inutiles. Ce qu'il nous importe d'examiner, afin de mieux définir le caractère du prophète galiléen, c'est si les guérisons soi-disant opérées par lui, comme auparavant par les anciens prophètes, tous plus ou moins thérapeutes, étaient des simulations ou de simples actes de bienfaisance. Nous remarquerons d'abord que les quatre évangiles ne rapportent pas les mêmes miracles, ou qu'ils les comptent de façon différente. De plus, certains sont affirmés souvent par ceux qui n'en ont point été témoins, tandis que ceux qui sont donnés comme y ayant assisté n'en disent mot. On doit en conclure que la légende s'étant greffée sur les premiers récits, la plupart sont inventés à plaisir pour grandir le personnage. Il est possible que pour donner plus de crédit à sa prédication, Jésus ait laissé croire que des guérisons opérées par lui à l'aide de moyens très simples avaient quelque chose de surnaturel. Dans ce sens, il serait un vulgaire imposteur. Il n'est pas non plus improbable que, doué d'un certain pouvoir de suggestion dont il était incapable d'expliquer la cause, il est opéré par le magnétisme et l'hypnotisme quelques guérisons qui est paru à cet illuminé d'ordre surnaturel et que de bonne foi il se soit cru thaumaturge. Les deux hypothèses sont admissibles dans certains cas, mais il en est où l'imposture est la seule supposition possible si réellement Jésus a voulu faire croire à leur réalité. Telle est la résurrection de Lazare, accompli devant tous les apôtres et que Jean rapporte seul, bien que ce soit de tous les prétendus miracles le plus important, le plus incroyable. Or, il fut si peu concluant que s'il faut s'en rapporter à l'évangéliste qui le raconte, Jésus, accusé de charlatanisme, dut s'enfuir à Éphraïm dans le désert avec ses disciples. Certains de ces miracles, comme les démons envoyés dans les corps de 2000 cochons, en un pays où l'on ne mange pas cet animal, où le figuier maudit est desséché pour ne pas porter de fruits, quoique ce ne fût pas le temps des figues, sont tellement puérils qu'il faut en laisser l'invention aux évangélistes ou à leurs falsificateurs. Même réflexion pour le premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin aux noces de Cana. On comprendrait le miracle contraire, mais gratifié d'environ 10 hectolitres d'excellent vin des convives en état d'ébriété, n'est-ce pas un acte inutile et d'une moralité douteuse? Nous avons dit que Jésus avait été obligé de se cacher après la pseudo-résurrection de Lazare, frère de son amie Marie de Magdala, miracle dont le mauvais effet avait jeté le découragement parmi les siens. L'Évangile nous montre ses partisans le poussant à se relever dans l'opinion par un coup d'éclat. Malgré les dangers qu'il prévoit, Jésus cède à leurs obsessions et consent à se rendre à Jérusalem. Suivant un mot célèbre, il était leur chef, il fallait bien qu'il les suivît. C'est seulement alors qu'il paraît accepter le titre de Messie, c'est-à-dire de roi, qu'il avait toujours repoussé jusque-là. Cependant, par un reste de prudence, il recommande à ses disciples de ne pas dire qu'il est le Messie, prudence qui ne satisfait qu'à demi ses partisans. Ses frères eux-mêmes lui disent: quittez ces lieux et allez en Judée, afin que vos disciples voient aussi les œuvres que vous faites. Personne n'agit en secret lorsqu'il veut être connu dans le public. Car, ajoute l'évangéliste Jean, ses frères ne croyaient pas en lui. Jésus répond à ses frères: allez-y, vous autres, moi je n'irai pas. Cependant, il s'y rendit derrière eux, mais en se cachant, manque de franchise qui a été relevé. Mais ce système de pusillanimité ne pouvait durer, Jésus le comprenait bien. Avant les fêtes de la Pâque, il tient au Mont des Oliviers un conciliabule avec ses disciples. L'entrée solennelle à Jérusalem y est décidée. Le prophète fait place à l'agitateur. Poussé par le fanatisme de ses partisans, il oublie sa mansuétude passée et le recommande de s'armer d'épée. Luc chapitre 22, versets 35-36. Il ne dit plus « Je suis doux et humble de cœur, mon joug est léger », mais « amenez ici ces gens qui sont mes ennemis et qui n'ont pas voulu m'avoir pour roi et tuez-les en ma présence. » Effectivement, dès l'instant que Jésus accepte le titre de Messie, il sait bien que ce chef attendu doit être guerrier. Mais bien que ce rôle ne soit pas dans son tempérament, il est forcé de le prendre. Il recule cependant, le plus qu'il peut, l'instant décisif. Il va s'établir à Béthanie, près de Jérusalem, dans la maison de Lazare, le prétendu ressuscité, où ses deux sœurs, Marthe et Marie, le choix de leur mieux. Enfin, il faut se décider. Jésus se prépare à faire son entrée dans la ville sainte. Il l'envoie retenir une chambre pour célébrer la Pâque. Bref, monté sur un âne, il part de Bethphagée, suivi d'une foule de curieux et entouré de ses disciples. Sur son passage, des gens, probablement stimulés, jettent des palmes en criant « Hosanna ! Protège-nous ! Gloire au fils de David !» et il fait son entrée à Jérusalem. Il y est inconnu de la population. Les habitants surpris demandent à ceux qui l'accompagnent « Quel est celui-ci ? » Et les disciples de répondre, suivant l'Évangile, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Il n'est pas question pour le moment de son rôle messiaque, encore moins de sa divinité, car il eût été lapidé sur place.